that cold cream of the city. You newborn star of Bethlehem, lead me to my pinball machine. Dispersed in windows of cat houses, in polluted rivers, in subway bars, in cars washed on Sunday afternoons, you are flowing along the streets, pouring into the gutters. You say hello to the alligators living in the sewers. You secret agent of America, hidden in the wrinkles of our clothes, watching what they're doing. Your disciples sitting in sidewalk cafes with stale beers, waiting for the night. They crave rock and roll. Baptized by your light. Neon! I breathe your light. You are the cold cream of the city. You newborn star of Bethlehem. Thank you. respire ta lumière, maquillage de la ville, nouvelle étoile de Bethléem. Conduis-moi à mes billards électriques. Tu t'étales aux fenêtres des bordels, t'affales dans les ruisseaux boueux, t'engouffres dans les tunnels du métro et te reflètes sur les toits des voitures. Tu coules le long des rues et disparais dans les caniveaux. Tu dis bonjour aux crocodiles, habitants grouillants des égouts new-yorkais. Néon, agent secret de l'Amérique, tu t'incrustes dans les rides profondes des vieilles putains dont tu diriges le va-et-vient. Les enfants te guettent aux terrasses des cafés, devant un demi en espérant la nuit. Puis qu'ils empliront de sexe, de rock'n'roll et de drogue. Néon, je respire ta lumière. Maquillage de la ville, nouvelle étoile de Bethléem. Conduis-moi mes villages électriques. Thank you.